Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Désirer quelque chose Désirer quelque chose هل تحب أن تدخن Désirez-vous fumer Désirez-vous fumer? هل تحب أن ترقص? Désirez-vous danser? Désirez-vous danser? هل تحب أن تتنزه? Désirez-vous vous promener? Désirez-vous vous promener? أحب أن أدخن. Je voudrais fumer. Je voudrais fumer. هل تريد سيجارة؟ Veux-tu une cigarette? Veux-tu une cigarette? هو يريد شعلة نار ولاعة. Il voudrait du feu. Il voudrait du feu. أحب أن أشرب شيئا. Je voudrais boire quelque chose. Je voudrais boire quelque chose. أحب أن آكل شيئا. Je voudrais manger quelque chose. Je voudrais manger quelque chose. أحب أن أريح نفسي قليلا. Je voudrais me reposer. Je voudrais me reposer. أحب أن أسألكم شيئا. Je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais vous demander quelque chose. أحب أن أطلب منكم شيئا. Je voudrais vous demander pour quelque chose. Je voudrais vous demander pour quelque chose. أحب أن أدعوكم لشيء. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Je voudrais vous inviter à quelque chose. عفوا ماذا تريد حضرتكم Que désirez-vous s'il vous plaît Que désirez-vous s'il vous plaît هل تريد حضرتكم قهوة Désirez-vous un café Désirez-vous un café أو تفضل حضرتكم شاي Ou préférez-vous un thé Ou préférez-vous un thé نريد أن نذهب إلى البيت. Nous voudrions aller à la maison. Nous voudrions aller à la maison. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Désirez-vous prendre un taxi? Désirez-vous prendre un taxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Ils voudraient téléphoner. Ils voudraient téléphoner. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية